Je compte à rebours, je gâte ton retour dans tous mes états d'amour. Te dire deux ou trois choses anodines, voilà les petites choses que l'on voit à peine, les mots qui passaient par là quand toi tu passais par. Te dire, ou bien n'ai-je pas eu le courage, souvent troublé par ta beauté, les mots timides éblouis, quand tu dormais près de moi. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanie et sur radio-arc-en-ciel.fr. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Cérémonie où la neige au vent se marie dans ce pays de poudrerie. Mon père a fait bâtir maison et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle quand viendra des autres saisons? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froid dur. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. De ce grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre ces quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder. Head for the next town I'm in, 'cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Et puis entendre Kylie Minogue et voici Zonko avec l'ambiance et du latino. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, donc il est venu il y a quelques mois à la radio avec tout simplement l'émission de Sébastien le samedi. C'est trop chic, je m'en fous, je veux kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, puis je m'en fous, c'est ton bout que je veux. T'en passe à bas, je fais le travail. T'en passe à bas, il va me tuer. Ce soir, sans jaille, vas-y sur le bail. Ce soir, sans jaille, vas-y sur le bail. Ce soir, sans jaille, vas-y sur le bail. Quelle est ta skin, on est dans l'ambiance. Espero que bailes.

sais, j'étouffe, je pense à toi. Quand je découche, je pense à toi. Je perds mon souffle, je pense à toi. Au bord du gouffre. Encore un soir, je pense à toi. J'ai le cafard, je pense à toi. Dans le brouillard, je pense à toi. Je peux pas y croire, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent, quand on souriait pour rien. On s'aimait trop pour s'aimer bien. Que voici, ça s'appelle Mireille Mathieu avec le titre tout simplement Calébelle et puis Laura Fabien. Je vois que s'ouvrent les portes de la petite chapelle. Maintenant, voici qu'ils sortent. Ébloui de soleil. Qu'elle est belle. Ça va pas fort, on parle tout bas. Caché sous nos armures d'acier. Fatigué, j'ai envie de changer tout ça. Soudain il me vient une idée. Un jeu rien que pour toi. Être une fille à imaginer. Comme un grand feu de joie brûle. Balancer, oublier, ferai de toi mon grand vizir, mon Bigam, mon Shakespeare, mon héros de bande dessinée. L'important, c'est d'en rire et de ne jamais oublier de s'aimer. Et de ne jamais oublier de s'aimer. De s'aimer. De s'aimer. Je serai ton désir. Do you really wanna go? Do you really wanna go? But if you feel d'un infidèle qui aime s'égayer présent des femmes entières. Ton amour va et vient comme si cela n'était rien. Non, c'est non, c'est non, c'est toi rien. Non, c'est non, c'est non, c'est toi drôle. Parce que mon amour n'a pas de condition. Je suis dans la limite de perdre la raison. C'est là que sur you, meilleur, meilleur, meilleur, meilleur. Voilà, restez toujours avec les musiques tout simplement. Et voici donc le groupe Bohème avec Dali Cool, et puis suivi d'une chanteuse qu'on connaît bien, c'est Sylvie Vartan. She's crazy like a fool.

tous les mardis entre 14h et 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voilà, je vais avec quelques morceaux portugais. Un petit bonjour à Florian. Et voici donc pour lui, puis pour vous, les auditeurs Utris. Meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o pereré. Ai, o meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o pereré. Rebeca. Meu nome é Rebeca e o teu qual é?

danse à gogo. Dis-moi où sont les slows qu'on jouait à la radio. Le vieux Fats Domino. Moi j'étais qu'un minot, mais je me disais c'est beau, ces accords de piano. Où sont les slows? Fais-moi voir la photo. Ça c'était Fontainebleau, le garage de Fredo. Je reconnais la sono. C'est vrai que ça fait rétro. La guitare en solo. Dis-moi, où sont passés les slows qu'on a dansé, les mots que j'ai chantés pour toi. Dis-moi, où s'est noyé l'amour d'un soir d'été. Je n'ai rien oublié, tu vois. Où sont les slows des booms de la colo? Je demande où sont les slows avec Sophie Marceau, Procola Romanco, la couleur Mentalo. Souvent on en faisait trop, mais qu'est-ce que c'était chaud. Où sont les slows des balades en bateau? Dis-moi où sont les slows des virées en moto. Il s'appelait Rico, le patron du bistrot. Ils reviennent dans mon dos, les ricochets dans l'eau. Dis-moi où sont passés les slows qu'on a dansé, les mots que j'ai chantés pour toi. J'ai noyé l'amour d'un soir d'été. Je n'ai rien oublié, tu vois. Dis-moi où sont passés les slows qu'on a dansé après toutes ces années. Dis-moi, fais-moi encore rêver le temps d'un seul été. Je n'ai de toi. Où sont les slows? Si j'étais capitaine de mon bateau, je me jetterais à l'eau. Si j'étais capitaine de mon vaisseau, je vous prendrais de haut. Ce genre d'attitude, mes idées fusent, je prends de l'altitude, je m'envole. Si j'étais capitaine de ma bande, je me prendrais pour James Bond. Wow. Si j'étais capitaine de mon girl's band, je me teindrais en blonde. Ça nous amuse, ce genre d'attitude, habile ruse dont on a l'habitude. Je rigole. La princesse qui pleure, qui dans son château meurt, je viendrai la sauver, moi le grand chevalier. J'ai des bottes magiques et un lapin qui pique, que j'envoie espionner le méchant en papier. On a perdu les clés, le portail est cassé, mais la licorne est carrée sur le bas-côté. Ça démarre, ça envoie des paillettes partout, la tête au creux des mains, on rigole comme des fous. D'école. Thank you. ton départ, je me bats pour ne pas trépasser. Depuis ton amour me manque, je ne sais plus où je vais. Tout ce que tu m'as apporté, c'est comme volatilisé. Je te retrouve dans mes rêves, chaque nuit je te vois. Tu m'enlaces, me réconfortes, mais au fond je me noie. Dans l'espoir de te revoir, c'est fou mais j'ai la foi. Sans toi je ne sais plus, sans toi ma vie n'est plus. Sans toi je ne sais plus, sans toi ma vie n'est plus. J'aimerais toucher le ciel du bout de mes doigts, mais mon rayon. Sous mes yeux, je ne fais que penser à toi. Je me plonge dans le sommeil, je me noie d'amour pour toi. J'espère un jour te rejoindre dans l'au-delà, mon âme en noir. Ton soutien, ta présence, ta pureté avait fait de moi un homme totalement comblé d'ivresse, d'amour et de joie. J'espère un jour te rejoindre dans l'au-delà, mon âme en noir. Sans toi je ne sais plus, sans toi ma vie n'est plus. Sans toi je ne sais plus, sans toi ma vie n'est plus. J'aimerais toucher le ciel du bout de mes doigts, mais mon rayon. Je relèverai, un jour je te retrouverai, dans l'au-delà je m'en irai. J'aimerais toucher le ciel du bout de mes doigts, mais mon rayon. Qui cherche la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient. C'est de cette chanson, c'est tout simplement que pour vous dire qu'il y aura le groupe, tout simplement plutôt la grand concours de gens de donc la soirée hommage à Johnny, donc le 2 février, donc le samedi 2 février 2019 à partir de 20h à la salle des fêtes de Saint-Privé, Saint-Mémin, donc avec président de jury avec Richie qui est le sosie de Johnny. Donc il y aura aussi d'autres activités différentes. Donc pour tout renseignement, le 06 88 59 34 93, 06 88 59 34 93. Et puis donc pour tous les réservations obligatoires avec 3fois.appel45.org, donc et bien tous peuvent venir tous assister au festival grand concours de chants de Johnny. Et les femmes qui pleurent leur... donc, ça se déroulera tout simplement le samedi 2 février à partir de 20h à la salle des fêtes de Saint-Privy. C'est demain. Dieu ni loi. Et quand nos corps se font. Johnny va faire un petit tour du côté du rock. driving home, she left something to eat. Turns a corner and drives down the street to her old house and sea just melts away like the scenery in a mirror of a man's bed. Into her ass where the blinds are closed, they keep the same thing she don't wanna know. She pulls her blinds and looks out on the street. The cool of the night takes the edge off the heat. The Jackson Cage, down in the Jackson Cage. You can try with all your might, but you're a man, did it every night. As you've been judged and hanged and laid down in the Jackson Cage. Every day ends in wasted motion. Cross swords on the killing floor. Settle back is to settle without knowing the heart is at your silver core. Because there's always just one more day, and it's always gonna be that way. Little girl, you've been down here so long, I can tell by the way that you move. You've been watching the Jackson Cage, down in Jackson Cage. Just what you say, are you tough enough to play the game? The play, will you just do your time? I'll fade away down into the Jackson Cage. Let's go! Maybe there's nights when I dream. But I wake up so downhearted, girl. I see you feeling so tired and confused. I wonder what it's worth to me. Just waiting to see some sun. Never knowing that day would ever come. Left alone standing out on the street till you become the hand that turns the key down in Jackson Cage. Down in Jackson Cage. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici une autre émission différente à partir donc mercredi soir, à partir de 19h30 jusqu'à 21h, juste après Violette. Donc, eh bien, vous allez retrouver David avec l'émission Ça va le faire entre 19h30 jusqu'à 21h, juste après entre 21h jusqu'à minuit avec l'émission Vib. Et puis donc pour jeudi matin entre donc eh bien 7h jusqu'à 9h avec Francky au réveil, juste après entre 9h jusqu'à 11h Armel Giraud avec l'émission Vase de Portugal. Et puis dans le début de l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 15h, eh bien vous allez retrouver Fabien côté association, juste après 15h, 17h avec Chantal Punch en musique, 17h jusqu'à 19h, Christine Portugal, nous corréziens. Après le son 2, entre 19h et 20h, avec Louis et Jackie, avec Noche Favonquin, et puis 20h, 22h, Pierre avec Pierrot Chaud. Et puis voilà pour le

caresses nous matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Dis-moi que je suis la seule, que tu n'es jamais autant désirée. Je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencard que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Une femme comme toi, d'habitude, ça n'existe pas. Pourtant au fond de moi, je ne vois que toi, je ne vois que toi. Et crois-moi, je ne te laisserai pas. Tu es ma certitude, donc je n'abandonne pas. Attention, sur ce son, pas de question. Attention, attention, à l'unisson. Je vais faire en sorte que tu perdes la raison. La raison de cadence, laisse-moi une chance, une chance. Accorde-moi une chance. Y'a qu'avec toi, que tout va. Je ne vois que tes bras, viens, on s'en va. Laisse-moi t'emmener. Laisse-moi t'emmener. Tes mots, je saurais soigner tes mots, je saurais soigner tes mots. Oui, peu importe tes défauts, peu importe tes défauts, je n'abandonne pas. Peu importe tes défauts, donc je n'abandonne pas. Attention, attention, à l'unisson, je vais faire en sorte que tu perdes la raison. En cadence, laisse-moi une chance, une chance. Accorde-moi une danse. Y'a qu'avec toi que tout.

mignon de cire, papillon farceur, ma porte et ton soupir. Il a escaladé mes mains de rêveur, puis en a parlé sans plus regarder l'heure, jusqu'au petit matin, épuisé mais ravi, papillon chagrin, au loin est reparti. Mais au long de la nuit, sur ses ailes de soie, un tamo j'ai écrit un poème pour toi. Au hasard reparti, qui sait s'il finira, papillon qui s'enfuit à revenir vers toi. Printemps qui s'étire, étend jusqu'à l'été, reviendra ton cueillir tes fleurs et tes baisers. Je rêve sans espérer qu'au creux de ton oreille, papillon murmuré chantera notre réveil. Safran s'est posé sur ton cœur, butine ton corsage et chatouille ta peau. Papillon volage, il s'envole aussitôt. Le chemin n'est pas toujours facile, tu l'apprendras. Mon enfant si douce et si naïf, écoute-moi. L'amitié est parfois plus fragile que ce qu'on croit. L'amour n'est souvent qu'une simple idylle, et c'est comme ça. Et ça viendra. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, Voici donc le titre, s'appelle En croquis et c'est Prisca. J'ai le poil qui s'hérisse et la peau qui louche, les yeux qui plissent quand j'ouvre la bouche. Mon cœur a des verres, j'ai mal à ma veine, une maille à l'envers et l'autre à la peine. J'ai le doigt bien haut, la phalange rose, le coude au jabot et les mains calleuses. Quand passe par hasard entre mes oreilles cette idée bizarre, me fondre la couenne. Non, me dis pas qui c'est toi, mon harangue, sors-toi, tais-toi. Ma gueule d'amour appelle à en crever, et c'est pas de l'amour que comme ça d'en croquer. T'as le verbe entier et le tarin qui mouche, les chicots percés, la laine pour les mouches. Au fond de ta gorge, il y a que des ordures. Tiens, tu veux une ange, prends-la et censure. Et ton jambon gras, à travers ma gueule, je me le suis bouffé en petit amuse-gueule. Arrête de miauler, de lisser tes armes, te faire une raie, comme il est ton âme. Non, me dis pas, quitte-toi. Mon harangue, sors-toi, tais-toi. Ma gueule d'amour appelle à en crever, c'est pas de l'amour que comme ça d'en croquer. Un tas de furoncles se balade en masse sur ta peau de pétoncle, ça sent la mélasse. Mais on sera heureux à bouffer la lune, un croissant ou deux, avec ou sans thune. On écoutera David Zaloff avec Crazy for You. Dark hope in that eye. Back soon. such a rainbow in the sky. I will feel as though I've learned to fly. We can kiss the past goodbye. You and I were made for each other. You have found what you've been searching for. I will never hurt you, that's for sure. As-tu des souvenirs de printemps parfumés, mêlés de fou rire et de baisers sucrés? Un jour as-tu trouvé le nuage magique qui marque à jamais que la vie fantastique? Un jour as-tu cueilli pieds nus dans la rosée en un geste d'amour, la plus simple fleur des prés? As-tu adolescent caché creux dans la paille, fait de troublants serments dans une douce bataille? As-tu encore enfoui au profond de ton âme tous ces moments bénis qu'un seul prénom enflamme? As-tu adolescent caché creux dans la paille, fait de troublants serments dans une douce bataille? As-tu encore enfoui au profond de ton âme tous ces moments bénis qu'un seul prénom enflamme? Prends-tu parfois le temps, au nom de la mémoire, de revenir un instant sur tes belles histoires? L'adulte a-t-il gommé? Fait de troublants serments dans une douce bataille. As-tu encore enfoui au profond de ton âme tous ces moments bénis qu'un seul prénom enflamme? As-tu adolescent caché creux dans la paille, fait de troublants serments dans une douce bataille? As-tu encore enfoui au profond de ton âme tous ces moments bénis qu'un seul prénom enflamme? Te souviens-tu? As-tu adolescent caché creux dans la paille, fait de troublants serments dans une douce bataille? As-tu encore enfoui au profond de ton âme tous ces moments bénis qu'un seul prénom enflamme? As-tu adolescent

s'appelle Violette Cara avec Délivre-moi et puis Renaud Elsa. Si bien cette son, savait pas si la vie est un jeu abscon, sans loi, la mort c'est encore plus couillon, à cet âge-là. Elsa, elle était douée dans toutes les matières, n'est-ce pas? Ses profs, ses copains, monsieur le maire, et toi, aimiez cet ange de lumière, ce roi. Mais pour le bonheur, ça fait pas faire. Et pourquoi? Elsa, la vie c'est un mélange de misère et de joie. Le paradis, il est sur terre, enfin je crois. Mais on pourra jamais rien faire contre ça. C'est ici aussi que se trouve l'enfer, parfois. Elsa, embrasse tes parents, ton petit frère, pour moi. Puis que Lucas s'est foutu en l'air, j'ose pas vous dire à quel point vous m'êtes cher, mais ça, ça changera pas le cours des rivières. Je n'ai pas oublié mon premier amour, ni le goût sucré d'un premier baiser. Au fond de la classe, je te souriais, et puis d'un regard te déshabillais. Et j'imaginais tout secret que tu cachais là, et j'aurais voulu que ça finisse pas. Un premier baiser donné en cachette, timide par peur que l'on nous surprenne. Les yeux grands ouverts, tu me souriais, et en rougissant, tu te laissais faire. Et je découvrais tous les secrets que tu cachais là. Pas. Je n'ai pas oublié mon premier amour. Je n'ai pas oublié mon premier amour. Je n'ai pas oublié mon premier amour. Pas oublié mon premier amour. Je n'ai pas oublié mon premier amour. Je n'ai pas oublié mon premier amour. Je n'ai pas oublié mon premier amour. Je n'ai pas oublié. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. À dire du mal des gens.

Marina. Cuando el grito cantador se acopla en la guitarra, alegría. Una rumba latina quiere rumba latina. Una rumba latina. Una rumba latina quiere rumba latina. Una rumba latina. De rumba latina. Rumba latina. Una rumba latina. De rumba latina. Rumba latina. De rumba latina. Una rumba latina. Una rumba latina. Una rumba latina. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Écoute bien ton être, lui connaît le chemin. Il faut bien se connaître pour choisir son destin. Tout ce que tu dois faire, c'est ce que tu sais faire. Mais garde le cachet, ce dont tu as rêvé. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Le monde est difficile, il voudra te broyer. Faire de toi la victime de ta naïveté. Mais ne perds pas confiance, garde ton espérance. Et tu récolteras ce que tu as semé. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Tout ce qui est facile, laisse-le de côté. Regarde bien les signes que le ciel a semés. Garde bien tes racines pour aller au sommet. Mais ne sois pas tranquille, on n'arrive jamais. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Mais un jour sur ta route, tu seras fatigué. Écrasé par le doute, tu voudras tout laisser. C'est alors qu'une étoile se mettra à briller. Elle ôtera son voile, ton heure est arrivée. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Avec douceur, elle penche la tête. Et juste après, une toute petite bise vient souligner l'urgence de la requête. La tête sur le côté. Juste pour demander. Les filles font des tours de bise. Des tours de pise. Les filles font des tours de pise. Des tours de pise. Des tours de pise. Les filles font des tours de pise. C'est pour charmer sans en avoir l'air. Nous les garçons, on fait des tours de piste. C'est comme ça depuis des millénaires. font des tours de Pise, des tours de Pise, des tours de Pise. Les filles font des tours de Pise, des tours de Pise, des tours de Pise. Les garçons font des tours de Pise pour mieux séduire sans en avoir l'air, pour éviter les crises. Les garçons font des tours de Pise pour s'excuser sans en avoir l'air. Les garçons font des tours de Pise, des tours de Pise, des tours de Pise. La tête sur le côté, juste pour demander, penche encore un petit peu, tu obtiens ce que tu veux. La tête sur le côté, pour te faire pardonner, penche encore un petit peu, pour séduire, c'est bien mieux. Voilà, c'est sur cette chanson qu'on va se quitter et puis on va se retrouver donc la semaine prochaine, mais on se retrouvera donc samedi avant entre 11h à 14h avec Arc Info. Et puis donc aussi on se retrouve, comme je l'ai dit, vendredi, non pas, mais dans 15 jours. Et puis on se retrouve donc mardi prochain entre 14h jusqu'à 17h. Voilà, n'oubliez pas qu'à partir de 19h jusqu'à 21h ce soir, eh bien, vous allez retrouver l'émission Electric Choc avec Christophe. Et puis demain, entre 9h jusqu'à 11h au midi, je ne sais pas vraiment l'heure, avec Victor. Voilà, donc eh bien, je vous dis bonsoir à tous. Et à vous toutes.